vous n'avez pas obéi. Et il pose la question. Et pourquoi avez-vous fait ça? Na sababu gani mulifanya hivyo? En tout cas, Dieu vient comme un grand-père. Baba na Mungu anakuja kama vile babu. Hana fimbo. Il n'a pas de fouet. Tu parles comme ça, nous on a désobéi, nous on a commis des bêtises. Et tu dis, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Na kisho na zasema sababu gani amekufanyia hivi? Voyez quand il vient chez dans le jardin d'Eden auprès de Adam. Unaona anapokuja ndani ya bustani ya Eden kwa Adam. Et pourquoi vous avez fait ça? Ana waulize sababu gani mmefanya hivi? Regardez ce qu'il dit ensuite. Tazama ile ambayo anasema baadaye. C'est triste. Inakuwa ya kuhuzunisha. Il dit, anasema, j'ai dit alors, nimesema sasa, je ne les chasserai plus devant vous. Sitawafukuza tena mbele yenu. Ah. Ils seront à vos côtés et leur Dieu vous sera un piège. Na miungu zao itakuwa ni kikwazo kwenu, mtego. C'est-à-dire quoi? Pourquoi Seigneur? Inamaanisha nini? Sababu gani Bwana? Dieu se désengage. Mungu anajitosha de sa promesse. Ndani ya ahadi yake. Il dit, je vous ai dit, anasema niliwaambia, avec comme preuve, votre petit frère Judas, mdogo wenu Yuda, il a obéi alitini, et il a pris les terres. Na alichukua nchi. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Lakini sababu gani nyinyi hamkufanya? Alors je ne vais plus chasser avec vous. Sasa mimi sitawafukuza tena pamoja nanyi. Les tribus ici peuvent dire, Dieu, makabila hizi zinaweza kusema Mungu. Mais Judas, Yuda, il est fort. Iko na nguvu. Tu avais prévu que lui ce sera la tribu des guerriers. Ulitarisha kwamba yeye atakuwa ni kabila. Nous on n'est pas tribu des guerriers. Wanajeshi, lakini sisi hatuko kabila la wanajeshi. Mais est-ce que vous avez vu Dieu dans les champs de bataille en train de Mungu njo ule. Uliona wa malaika walitupitia mbele. On n'a pas vu ça. Hawakuona ndani ya shamba mapigano wa malaika wakipita mbele. Mais ce n'était pas moins ça. Lakini haikukua kidogo kushinda hiyo. Dieu était vraiment présent avec Judas. Mungu alikuwa kabisa pamoja na Yuda. Et si Simeon aussi s'aimait pour y aller, Dieu sera vraiment présent avec Simeon. Si Dan avance, Dieu sera vraiment présent avec. Kama Dani anaenda, Mungu atakuwa pamoja naye. Et si toi c'est ma cet après-midi, na wewe, tu te fais leo, tu te mets vraiment en marche pour obéir. Unasimama tu te rendras compte que ça marche. Utaanza kuona kwamba mambo inaendeka. Ça marche. Inaendeka. Dieu n'aime pas trop se présenter, venir physiquement pour que mon et ma malaïka. Hein? C'est pourquoi j'aimerais ici tirer l'attention à quelqu'un. Mungu apendi kila mara kujionyesha watu waone kimwili. Des gens qui prient Dieu. Kuna watu wanaomba Mungu. Dans les termes suivants. Ndani ya maneno kama nani? Seigneur, Bwana, tu as dit qu'il y a des anges qui marchent avec moi. Ulisema kwamba kuna malaika. Montre-moi ces anges. Na mimi nionyeshe wale wa malaika. C'est pas nécessaire. Haiko ya maana. Ces anges ne sont pas gérés par nous. Wale wa malaika waongozewa na sisi. Il est écrit, on a lu ça, non? Ce sont les anges au service de Dieu. Ni wa malaika qui sont Mungu. Envoyés pour exercer un ministère Ambo auprès de nous. Kwa ajili ya kufanya ils ne sont pas envoyés par nous pour exercer un ministère auprès de nous. Hawakutuma kwetu, hawatumwe na sisi ili mais ils ne sont pas moins opérationnels. Lakini si kusema kwamba hawatumiki. Sur les ordres de Dieu. Juu ya maagizo ya Mungu. Ils opèrent effectivement. Wanatumika kihakika. Judas a opéré. Yuda alitumika. L'armée invisible a été avec lui. Na jeshi lisiloonekana. Il a gagné le territoire. Na akapata nchi. Simeon. Simeoni. Son frère. Ndugu yake. Il a fait. Mais les autres. Alifanya lakini wengine. Qui ont désobéi. Ambao waliasi. Dieu est fatigué d'attendre qu'il se mette en marche pour qu'il agisse. Mungu amechoka kuwachunga ili wasimame waanze kutumika. Et puis il leur dit, na kisha anawaambia, OK, je ne ferai plus. Sawa, sitafanya tena. Comme na mimi nawachoka, mimi nawachoka. Je suis fatigué aussi de vous. Mimi nawachoka. Sitafanya tena. Je ne veux plus faire. Hallelujah. Amen. Et il le dit beaucoup plus grave, plus loin. Na nasema ndio kwa hatari sana mbali zaidi. Il est écrit alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et dit puisque cette maison, cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrit à ses pères et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations.

et d'autres choses qu'on va voir. Na mambo mengine tutakayoyaona. Levons nos mains, on va prier. Tunyoshe mikono yetu tutaomba. Dites Seigneur, sema Bwana, illumine les yeux de mon cœur afin que je comprenne ce qui s'attache à ma vie, ce qui s'attache à mon bonheur, ce que je dois faire pour m'assurer de ton ciel ouvert. Maintenant prie et parle à Dieu des détails. Quels sont les détails? Parle de toi. Parle de toi, mon frère. Oublie les autres. Ne dis pas, il est le gros moi là, c'est le frère tel. Non, non, non. Aujourd'hui, maintenant, nous prions, nous-mêmes. Prie pour toi. Et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Seigneur. Tu es mon désir. Quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène, qui me ramène à toi. Prie frère, prie. Il faut que cette chose sorte de ton cœur. Ça ne sort pas facilement. Il faut que ces choses sortent de ta vie. Dis au Seigneur de te briser. Cette chose est une forteresse. Elle a besoin d'être brisée. Brisée, c'est moi. Ça doit être brisé. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, oh Dieu. Brise-moi. Je ne veux plus être victime du moi. Je refuse d'être victime du moi. Je refuse d'être victime du moi. Je refuse d'être victime du moi. Je suis trop rempli de moi-même. Je suis trop rempli de moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de ce cœur d'orgueil, ce cœur terrible, ce cœur qui écrase les